Iridium. Une raison pour que je reste auprès de toi, qui me ferait oublier tes impairs, oublier tes mensonges, tes cachots qui sans cesse me rongent. Oui, tu vois, c'est bien plus fort que moi. Je cherche en toi. Dans trois mois, je ne sourirai plus pour cacher ma peine. Il n'est plus question de